Dernier épisode aujourd'hui pour la science qui veut qu'on rit et chante et danse. Guillaume est à présent chanoine à Reims. Il aime la tranquillité pour pouvoir travailler et quand des invités de marque viennent le voir ou lorsqu'il doit aller à la cour, il est dérangé dans ses habitudes et il se plaint. « Je ne vous envoie rien aujourd'hui, écrit-il, car il y a tant de gens à cette cour et de noises et tant m'y ennuie que je n'y puis faire de nouveau. » Lui qui a passé près de 15 ans de sa vie au service d'un roi particulièrement prompt à voyager et à guerroyer dans toute l'Europe, il pense à présent avant tout à sa liberté. Autant il semble avoir été séduit par ce roi, Jean de Bohême, autant avec les autres il garde ses distances. Est-ce un opportuniste à tout craint? A-t-il viré au bon moment pour pouvoir servir le nouveau roi Charles V ou bien a-t-il été porté par un élan sincère? En tout cas, il est chanoine à Reims, tâche essentiellement musicale qui le tient hors de la cour, sans toutefois l'enfermer. Et aujourd'hui, il est dans le scriptorium de l'un des plus beaux ateliers de confection de manuscrits de la région. Il achève de feuilleter le grand livre In Folio, dans lequel il a fait copier l'intégralité de son œuvre, littéraire et musicale, et en surveillant avec grand soin l'exécution des miniatures. C'est une vie qu'il a sous les yeux, son œuvre, organisée soigneusement par genre, des laits, des motets, des messes, des ballades, des rondeaux et des virelets. Quelle est la logique de sa vie, se demande Guillaume. Sans doute pas la Providence. Il ne croit vraiment pas en un ordre supérieur et il n'aime pas se poser la question. Il croit à la fortune, cette puissance aveugle qui d'un moment à l'autre fait basculer le destin vers le gai ou vers le triste et qui tourne sa roue sans qu'on sache pourquoi ni comment et devant laquelle on doit être fataliste ou résigné. Guillaume croit aussi à la nature, cette force qui donne la vie et qui fait que les poissons sont différents des animaux et que lui, Guillaume, a existé. Et il croit aussi à la puissance du nombre, à celle du calcul. Dieu, c'est avant tout l'harmonie, l'ordre, celui dont la fin est le commencement et le commencement la fin. Il voit avec un orgueil de peintre les symétries graphiques qu'il a organisées entre les notes de sa musique. Même si le rythme effectif n'a rien de symétrique, ces carrés qui s'enchaînent correspondent à une symétrie rationnelle, intellectuelle, essentielle. Il revoit le temps qu'il a passé à la composer, le nombre de cires préparatoires qu'il a gravées et jetées. Toute sa vie, il s'est voulu novateur et ordonnateur. À présent, il donne le livre de son œuvre, un livre dont il ne laisse à personne le soin de donner à tout cela un ordre. C'est son ordre qu'il laissera. Il s'est voulu novateur, il a exploré toutes les possibilités de mesure du temps, d'introduction de la mesure binaire dans la mesure ternaire. Et en relisant son manuscrit, il tombe sur sa messe, l'un de ses chefs-d'œuvre. Il est parti d'un kyrie très connu, celui qu'on chante tout le temps à la messe et qu'il se refredonne. Et cette phrase, ce kyrie, il lui a donné un rythme existant à part entière. Pam, pam, pam, pam. Qu'il répète 7 fois. Et puis il insère cette phrase dans 3 voix, existant indépendamment, obéissant elles aussi à des structures numériques cachées, en ménageant des consonances entre toutes les voix. Un jour peut-être, pense Guillaume, on abandonnera cette manière de voir. On homogénéisera les voix différentes et peut-être aussi on recherchera d'autres consonances. On abandonnera cette manière de distinguer radicalement entre un rythme et une mélodie. Et Guillaume ne se rend pas compte que dans plusieurs siècles, dans un siècle où l'homme ira sur la Lune, non pas sous forme d'esprit, mais ce qui est complètement impensable, impossible, il ira sur la Lune corporellement. Alors dans ce siècle, on l'aimera encore pour ça, pour la rigueur avec laquelle il a su introduire le nombre et les structures numériques dans tous les paramètres de la musique. Mais peut-il imaginer la musique à venir, seulement dans un siècle? Peut-être la nouveauté sera telle qu'elle est inimaginable. Cette musique, si homogène, est inimaginable pour Guillaume. C'est la musique d'une autre époque. Parce que les temps sont durs. Les Anglais n'ont pas réussi le siège de Reims, le roi Charles a été sacré, mais on voit encore les traces de leur passage, ne serait-ce qu'à cette cathédrale qui n'est pas encore terminée. Peut-être Guillaume se souvient-il d'avoir vu de loin les soudards du prince noir, ou bien le cuisinier que Chaucer a rencontré peu après lors d'un pèlerinage à Canterbury, celui qui fait cuire des poulets avec des os à moelle en les saupoudrant avec des épices corsées et du Galéga, et le tout avec de la bière de Londres. En tout cas, Guillaume vit, comme tout le monde, la difficulté du moment. Ses matelotes et subsides et gabelles, phlèbes, monnaies et impositions, et du pape la visitation. Or, il faut payer pour 8 ans les 30 centimes, et sans délai pour le roi 3 décimes. Mieux me vaudrait ailleurs être un porcher que moi voir aussi vif écorché. Et vraiment, l'église est si détruite, et se dit que le roi d'Angleterre vient le surplus de ma soutance caire. Malade suis, et à peu de monnaie. Et souvent, lorsque Guillaume va à la basilique Saint-Rémy pour régler les offices dont il a la charge, il passe devant la cathédrale, partiellement détruite, et il se recueille, particulièrement, devant la statue de la Vierge, celle de l'Annonciation, très sobre, que l'on a sculptée il y a maintenant un siècle en face de l'ange qui sourit. C'est pour elle, c'est pour cette dame, Notre-Dame, qui a donné vie au Christ souffrant, spécialement pour elle, qu'il a inventé la musique la plus inouïe, une musique complètement verticale, dans laquelle on pourrait comprendre toutes les paroles. Ex Maria Virginée, née de la Vierge Marie. Pense à son enfance. Ce siècle est mauvais et chaque jour empire. Il y a plus grande différence du temps qu'il vit en son enfance à celui qui plus est différent et divers, que l'été à l'hiver. Dans sa vie, il a sillonné l'Europe à cheval, de Russie en Italie, de païens en byzantin, peut-être même de Pologne en Alexandrie. Partout, il a vu que la musique qu'il écrivait était certainement la plus construite, la plus ordonnée, la plus maîtrisée. Il a vu certes en Italie des choses intéressantes, mais pas foncièrement différentes de ce qu'il écrit, lui. Les meilleurs musiciens italiens, et il y en a peu, ne font que reprendre le système d'écriture et de musique qu'il a lui-même appris et perfectionné. Il a donné son cœur et sa foi à Jean, le roi de Bohême. Hélas, c'était peut-être le dernier chevalier. Les grands pour qui il a ensuite écrit, Charles de Navarre et puis le roi Charles V, n'ont rien d'un vrai chevalier à qui l'on donne sa foi. Charles de Navarre était mesquin, fourbe, démagogue. Charles V, le roi, vient le visiter régulièrement à Reims, mais il combat tous les princes féodaux et toutes les habitudes chevaleresques. C'est un juriste, il se retire souvent dans sa tour de la Fauconnerie au Louvre, la tour de sa librairie. Il écoute Nicole Dorem lui faire la théorie de ce qu'est l'argent. Guillaume l'aime bien, ce roi, il l'aime aussi parce que il n'aime pas les Anglais. Et quelque part, le clerc, membre de l'administration d'église qu'il est, aspirant aux valeurs chevaleresques, commence à se sentir aussi, peut-être un peu plus que provincial, français. Il pense en tout cas, en surveillant avec tant de soin la copie de toutes ses œuvres, qu'il a été le premier, le plus hardi, le plus nouveau dans la matière amoureuse. Il est un rhétorique. Il maîtrise les formes, formes des poèmes, formes musicales. Lui qui aimait tant le roman de la rose lorsqu'il était écolier, il a passé sa vie à le revivre à sa manière et selon ce que son époque pouvait sentir. Il s'est voulu novateur, c'est vrai, mais il a aussi porté à son sommet toute la tradition que les trouvères et les troubadours avaient chantée avant lui. Et il pense qu'il est peut-être le dernier. Il n'y a plus de chevalier. Il n'y a plus d'expérience merveilleuse. On ne croit plus aux essences. Le nombre auquel il a consacré sa vie, qui faisait que poème et musique allaient ensemble dans une large cohérence, le roi Charles, par exemple, n'y croit plus. Il s'entoure de juristes qui raisonnent, il s'entoure de bourgeois qui comptent leurs sous et parlent, non pour faire entrer leurs paroles dans un ordre divin, mais pour séduire et pour contrôler le monde. Alors, devant un tel éclatement, Guillaume prend soudain conscience, au moment où il demande que l'on écrive sur le manuscrit « Voici l'ordonnance que Machaut veut qu'il ait en son livre », il prend conscience qu'après lui, il n'y aura plus de rhétorique, il n'y aura plus de musicien-poète. Il y aura d'un côté ceux qui parlent, et de l'autre les musiciens, ceux qui ordonnent les sons. Et ils courront dans l'avenir, sans arrêt, pour essayer de se rejoindre. Et ils n'y arriveront plus. Après ce jour, Guillaume meurt. Il a peut-être 70 ans, peut-être 80. Pour lui, on décèle les dalles dans la cathédrale de Reims. Et jusqu'à la Révolution, on pouvait encore voir la pierre tombale près de l'hôtel de la Rouelle où Guillaume et son frère Jean étaient enterrés, ayant fondé une messe de la Vierge. Guillaume de Machaut, ainsi avais-je nom, né en Champagne fut, et si eut grand renom d'être fort embrasé de pensées amoureux. Pour ce pleurer, pleurer, gente dame, la mort Machaut, le noble rhétorique. Tout se délite. Et pourtant Guillaume y a cru. Il y a cru de toutes ses forces, sans pouvoir enrayer un mouvement dans son œuvre où il a tenté, lui, clair, de se poser lui-même en héros, était déjà le témoin. Il a cru, comme les troubadours il y a longtemps, que la musique a un pouvoir religieux, qu'elle règle les danses sacrées. Il a cru que l'harmonie, trouvée dans la proportion, est source de plaisir. Que les musiques, la musique instrumentale, mais aussi la musique du corps, la musique humaine, la musique du monde, par le nombre, existent toutes trois et peuvent être reliées. Que la musique fait toutes les caroles, par bourg, par cité, par école, où l'on fait l'office divin, qui est fait de pain et de vin. Peut-on penser chose plus digne, ni faire plus gracieux signe que d'exaucer Dieu et sa gloire, louer, servir, aimer et croire, et sa douce mère en chantant. Musique est une science qui veut qu'on rit et chante et danse, n'a cure de mélancolie. Partout où elle est, joie y porte, les déconfortés réconforte, et il faut seulement l'ouïr. Elle fait les gens réjouir. Il n'y a instrument en tout le monde qui sur musique ne se fonde, ni qui essouffle ou touche ou corde, qui par musique ne s'accorde. Question. Le soleil cesse-t-il de tourner autour de la terre à la mort de Guillaume ? Vous le saurez en écoutant lundi Pascal Lismonde dans votre petite histoire de la musique.